Zacharie chapitre 7. Puis il arriva, la quatrième année du roi Darius, que la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le quatrième jour du neuvième mois, qui est le mois de Kislev. Lorsqu'on eut envoyé Saretsé, et Regem-Melech, et ses gens, à la maison du Dieu fort, pour supplier l'Éternel, et pour parler aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées, et aux prophètes, en disant, pleurerai-je au cinquième mois, me tenant séparé, comme j'ai déjà fait pendant plusieurs années? Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, parle à tout le peuple du pays, et aux sacrificateurs, et leur dis, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième mois, et au septième, il y a déjà 70 ans, avez-vous célébré ce jeûne pour l'amour de moi? Et quand vous buvez et mangez, n'est-ce pas vous qui mangez, et vous qui buvez? Ne sont-ce pas les paroles que l'Éternel a fait entendre par le moyen des prophètes qui ont été ci-devant, lorsque Jérusalem était habitée et paisible, elle et ses villes qui sont autour d'elle, et lorsqu'on habitait vers le midi, et dans la plaine? Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, en disant, ainsi avait parlé l'Éternel des armées, en disant, faites ce qui est vraiment juste, et exercez la miséricorde et la compassion chacun envers son frère. Et ne faites point de tort à la veuve, ni à l'orphelin, ni à l'étranger, ni à l'affligé, et ne méditez aucun mal dans vos cœurs chacun contre son frère. Mais ils n'y ont point voulu entendre, et ont tiré l'épaule en arrière, et ils ont appesanti leurs oreilles pour ne point ouïr. Et ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant, pour ne point écouter la loi, et les paroles que l'Éternel des armées envoyait par son esprit, par le moyen des prophètes qui ont été ci-devant. C'est pourquoi il y a eu une grande indignation de par l'Éternel des armées. Et il est arrivé, que comme quand on leur a crié, ils n'ont point écouté, ainsi, quand ils ont crié, je n'ai point écouté, a dit l'Éternel des armées. Et je les ai dispersés comme par un tourbillon, parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient point, et le pays a été désolé après eux, tellement qu'il n'y a eu personne qui passa, ni repassa, et on a mis le pays désirable en désolation.